Bonjour à tous, vous écoutez RQC sur 95FM ou sur rqc.be. Il est 15h30 et je suis heureuse de vous retrouver pour cette deuxième édition de Vitamine. Alors je m'excuse par avance pour le bruit de fond dans le micro. Il y a un problème technique indépendant de ma volonté, donc je m'excuse par avance pour toute l'émission. Alors je suis Adeline, et pendant les 90 prochaines minutes, je vais tenter de vous faire faire le plein d'énergie pour bien finir l'après-midi. J'irai chercher les vitamines dans des morceaux récents, comme des plus anciens, des titres de tout style. La seule condition, c'est qu'ils vous donnent la pêche. Alors le lien entre les trois premiers titres qui vont suivre est que le premier artiste a composé pour les deux suivantes. Mais alors attention, petite astuce, ce ne sont pas les titres que je vais vous jouer aujourd'hui. Standing in a hurricane. s'agissait donc du talentueux Beck et son Gamma Ray, qui a donc composé la presque totalité de l'album IRM de Charlotte Gainsbourg, qu'on a entendu avec un titre de son dernier album, qui s'appelle Deadly Valentine. Mais chose qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est que Beck a également composé pour Sia le titre The Bully de l'album Color the Small One. La chanson laquelle nous interprétait aujourd'hui, c'était The Girl You Lost to Cocaine, de l'album Some People Have Real Problems. On passe maintenant à une ambiance plus hip-hop pour les trois prochains titres. Trois titres que vous connaissez bien, j'en suis sûr.

it, shake it, shake it, shake it like a Polaroid picture. Hey, yeah, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, sugar, shake it like a Polaroid picture. Now I'll be unsafe and loose and loose. Shake it, shake it, and baby doll, shake it on the floor. Get on the floor. C'était donc Gorillaz avec Der. Gorillaz qui continue de tourner en 2018. Ils seront d'ailleurs à Verchter début juillet et également au Lollapalooza de Paris fin juillet. Ensuite, on a eu De La Soul avec un titre datant de 1991 quand même, Ring Ring Ring. Et enfin, Outkast avec Eya. Maintenant, une séquence 100% français dans le texte, mais toujours une bonne dose de vitamine C pour la bonne humeur. Dans le cadre de son cycle. Sur les groupes sociaux à problème, FFW vous propose de suivre quelques-uns de la Madeleine, Madeleine. À l'abri, messieurs, du tout venant, bien caché pour ne pas faire d'envieux. Pas de dîme chez mieux, ni de gabelle au pays de Madeleine. Ce qui, ma foi, ne tient pas à flanc de gaine, finit en principe au pied du chêne. Wow, wow, wow, one day, comme wow, dans un fond de jardin, entre roses et jasmin. Valeurs et devises, qu'on se le dise, tiennent chaud dans les moments d'un peu. Que crève ton sans-papier sur le palier, sarrasin dans le champ du voisin. Grâce à son beau bête de laine, ma Madeleine peut enfin passer des nuits sereines. Wow, wow, wow, one day, Cormoro, dans un fond de jardin, entre rose et jasmin. C'est toujours ça, n'est-ce pas? Que les moricaux n'auront pas ma mère, ma mère de laine, oh mère, ma mère, ma mère de laine, oh mère, ma mère, ma mère de laine. Pratiquer beaucoup de, en tout point conforme à sève. Et le pragmatisme bon teint, oh, rapide, efficace et malin, oh, l'amour de son prochain, oh, mais pas avec notre point. One day, Corbeau, dans un fond de jardin, entre rose et jasmin. Jésus, la gorge, c'est toujours ça, n'est-ce pas? Que les moricaux n'auront pas ma mère, ma mère, ma mère de laine, oh ma mère, ma mère de laine, oh ma mère, ma mère de laine. Pratiquer beaucoup de, en tout point conforme à sève. ce matin, elle a quelqu'un. La fille, non l'autre, la fille avec le pull, celle qui baladait son pitbull. Que tu regardais beaucoup son pull, tu sais bien la fille, tu vois qui. Désolée de te le dire, insiste fille, elle a quelqu'un, je te dis. We'll be right back. Le chanteur Tété nous chantait Madeleine Badeleine. Radine est égoïste, hein, la Madeleine de Tété. Puis c'était Clarica avec La fille, tu sais. Et enfin, Luce nous raconte la fin du monde sous MD avec Apocalypse. Hier, nous apprenions la mort prématurée de la chanteuse d'un groupe qui aura marqué les années 90. Dolores O'Riordan des Cranberries nous a quittés hier, mais elle laisse derrière elle de superbes souvenirs de musique, des guitares saturées et des chants rageurs avec cette voix inimitable. En tout cas, un grand merci pour tout, Dolores. Thank you. another shiny day. I'm C'était Dreams, issu du premier album des Cranberries intitulé Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Il est sorti en 1993. Suivi de I Can't Be With You de l'album No Need To Are You, dont est tiré le plus gros succès des Cranberries, à savoir Zombie. Et enfin, un clin d'œil au concert où ce titre ne manquait pas de déchaîner le public, il s'agissait de Desperate Andy. Mes partenaires de concert qui se reconnaîtront auront, j'espère, apprécié la petite dédicace. RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. Vous êtes toujours sur RQC et vous écoutez votre émission Vitamine jusqu'à 17h. Et avec les trois prochains titres, c'est ambiance funky. When I met you, you were so unique. You had a little thing I'd love to keep, and every movement carried much mystique. I knew right then I'd carry on. To you, I knew my heart belongs. You know you. You give me something, something that nobody else can give. Vous avez certainement reconnu le litin funky Jamiroquai avec son titre You Give Me Something. Jamiroquai qui a sorti un album en mars 2017 après quand même 7 ans d'absence. Ensuite c'était Jungle avec Time et Jamie Lidl avec Figured Me Out. Il est l'heure de prendre sa dose de vitamine E, vous savez, celle qui aide à la mémoire. Alors on part pour les années 80 avec trois groupes mythiques de cette époque. Thank you.

Les Norvégiens de AA nous ont chanté You Are The One, puis les Britanniques de Tears For Fears and The Police avec les titres Head Over Heels et Every Little Thing She Does Is Magic. On va maintenant partir avec quelques titres plus électro, trois titres dont les chanteuses ont la particularité d'avoir des voix reconnaissables entre toutes, chacune dans leur style. I put you up, I treat you well. Supernatural, supernatural. Like this love, but it's never money. Oh, hey. Vous avez bien sûr reconnu Bess Ditto, la chanteuse de Gossip, tout en puissance pour le premier titre. Il s'agissait de I Wrote the Book, issu de son premier EP solo, qui a été produit par Simian Mobile Disco. On reconnaît bien la patte. Ensuite, c'était le duo Aluna George avec Supernatural, puis les Suédois de Little Dragon avec le titre Sweet. Le nom du groupe vient en fait du surnom donné à la chanteuse Yukimi Nagano, au caractère de feu. Avant de terminer cette émission, n'oublions pas une bonne dose de vitamine D, du soleil dans les oreilles avec ce titre de Sergent Garcia. Patang, patang, patang, lé, lé, lé, patang, patang, patang, boy, patang, patang, patang, lé, lé, lé, patang, patang, patang, boy, patang, patang, patang, lé, lé, lé, patang, patang, patang. C'est de la sauce piquante, amigo, puro pimentón. Et viens dans mon sang, tu verras ce qu'on confectionne. Tous les DJ, tu verras, vont monter la pression. Ça fait médecine, man, je suis la médecine. Et pour les mômes, les hommes, les femmes, les hommes de chat dans le monkey pond. Médecine, man, je suis la médecine. Et pour les mômes, les hommes, les femmes, les hommes de chat dans le monkey pond. Médecine, man, je suis la médecine. Et pour les mômes, les hommes, les femmes, les hommes de chat dans le monkey pond. Je suis dans la danse, je suis dans la partie d'été. Comme le man Sergent Garcia, je te donne la solution. Là derrière le micro, je suis une vraie bombe à neutrons. Comme le man Sergent Garcia, ouais, comme le man DJ. Quand je toste dans le micro, les bêtises et les crocs me prêtent attention. Comme le man Sergent Garcia, ouais, comme le man DJ. Car moi le chaman, même si je guéris sur la version, ça fait patang, patang, patang. Lé, lé, lé, patang, patang, patang. Boy, patang, patang, patang. Lé, lé, lé, patang, patang. Tu montes le son. À base de potions magiques, le sergent donne des frissons. Car moi le chaman, même si je propage les versions, j'allais hanter le stress avec de la bonne vibration. Et pour que tous les poids s'y déposent sans condition, tous les guns, toutes les larmes et que baissent les tensions. Pour que tous les bad boys se lancent à l'unisson dans la danse, tous les poids s'y vont changer la donne. J'allais hanter le stress avec de la bonne vibration. Je reviens sur le beat, mon ami, pour que baissent les tensions. J'allais hanter le stress avec de la bonne vibration. C'était donc Sergent Garcia, groupe composé de Bruno Garcia et du guitariste du groupe punk Ludwig von 88 avec le titre Medicine Man. Il va être temps pour moi de vous laisser. Vous pourrez retrouver à 17h30 nos amis de Chiffon Rouge. J'espère que vous aurez apprécié cette dose de vitamines. Et rendez-vous la semaine prochaine à 15h30 pour une nouvelle édition. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi sur RQC et je vous laisse avec Butterfly Boucher et son titre I'm Different. And that's okay with me. Yeah, that's okay with me.